Chapitre 2e, l'attaque. Journée du 16 avril 1917. Dans la boue épaisse et profonde, sous le battement continu des obus qui frappent les parapets et projettent la terre avec des débris de fer, 3000 hommes sont plantés jusqu'aux genoux. La plupart ont erré dans la nuit avant de trouver leur place. Après, leurs pieds y ont creusé deux trous où ils sont restés enlisés jusqu'au jour. Beaucoup sont fatigués de la course. La plupart sont pâles de froid. Peu ont dormi. Certains redoutent. Tous sont anxieux. Leur âge de l'attaque est fixé à 6 heures. On avait espéré jusqu'au dernier moment qu'elle serait retardée. La pluie des derniers jours, la boue, le froid, le désordre d'une marche hâtive, la paresse de nos canons, nous semblaient à tous des raisons suffisantes. Toute la nuit, sur nos têtes, les obus de 75 mm s'étaient succédés sans interruption, poussant de longs gémissements comme ceux de chats qui se disputent. Quelques pièces de grand calibre vomissaient aussi depuis 6 jours des tonnes de mitraille sur les tranchées des Boches. Néanmoins, l'on voyait encore des hommes à leurs tranchées, des mitrailleuses à leurs parapets, des fusées issues de leur première ligne, et leur artillerie nous arrosait copieusement comme si elle n'avait point souffert. Bien mieux, à 5h30, 10 Boches sortent brusquement des tranchées et marchent vers nous, sans armes, sans grenades, sans équipement, avec une désinvolture incroyable. Le groupe était peu dangereux en vérité, et l'idée est venue à l'esprit de tous que ces hommes viennent se rendre. Point du tout. Ils arrivent jusqu'à la parallèle de départ, aperçoivent cette tranchée remplie de nos troupes, retournent en courant chez eux sans que personne leur ait tiré. Aussitôt, ils lancent une fusée verte. C'est le signal qui demande aux artilleurs un tir de barrage pour empêcher notre attaque prête à commencer. Là, comme en maintes circonstances, l'audace admirable des Boches nous a déconcertés, au point de nous priver de nos moyens de coercition. Mais déjà le jour, lui, il est 6 heures. Leurs haches, fixées pour le grand départ, pour la grande ruée de toutes nos troupes depuis Soissons jusqu'à Reims, l'instant solennel où doit se déclencher le mouvement qui doit bousculer les lignes ennemies jusqu'à la Meuse. Le 68e bataillon doit sortir le premier des tranchées. Tous les officiers, debout sur le parapet, la tête haute, le corps droit, montrent aux Sénégalais que les balles ne tuent pas. Le signal est donné. Moment tragique où tous les actes ont une valeur décuplée, où le geste de l'officier commande et non plus sa parole, où chacun a conscience de faire un pas vers la mort et le fait à cause des autres. Moment pathétique où s'engage la partie que l'on paye avec de la chair et du sang. Moment passionnant, où tout l'intérêt, toute la curiosité des êtres sont excités au degré suprême. Moment critique, où se dénouent 1000 intrigues, où s'oublient 1000 mots, où sont laissés 1000 bagages, où tous les efforts, où toutes les énergies sont tendues vers une même idée, un même but, où tous les cœurs, où tous les corps sont énervés, pressés, comprimés, comme un ressort prêt à s'échapper. Moment troublant, où les instincts végétatifs, les souvenirs familiaux, les sentimentalités viennent jeter les hésitations et les retards dans les âmes faibles, où un tendre souvenir arrête parfois un beau geste, où une pensée trop profonde étouffe un noble cri, où la peur de la mort arrête un bras vaillant. Moment décisif, où se fait le tri des valeurs, où les éléments sains sont mis au jour, où les gangrènes s'éliminent, où le bon se sépare du mauvais, le fort du faible, le noble de l'avili, le courageux du lâche. Moment divin où les prêtres de Dieu-Nation vont officier dans une radieuse lumière, où les victimes marchent au sacrifice dans la pleine conscience de leur beauté et de leur gloire, où le soldat frémit du frisson sacré de la haine, du désir violent de la vengeance qui tue dans son âme tout autre sentiment, toute autre pensée, qui le jette en avant dans l'oubli complet de tout amour, dans un mépris absolu de tout danger, qui le pousse, héroïque étourdi, droit devant lui dans la rafale. Les dos bleus de centaines d'hommes accroupis sur la marge du parapet se lèvent à cet instant et s'avancent en rang clair sur le glacis, comme menés tous par une seule main. Devant eux, le commandant montre une belle arrogance, la canne à la main, la pipe à la bouche, il indique la route à suivre et l'attitude à adopter. Dans un ordre parfait, dans un même élan, les dos bleus s'avancent. L'air est rempli de tonnerre. Le sol est piqué de gerbes de terre. Les mitrailleurs déjà égrènent leur sinistre chapelet. En haut, à droite, à gauche, les balles chantent. Leur chanson est parfois un sifflement léger, tantôt un mauvais claquement, très sec. Leur chanson n'est pas joyeuse, mais elle est légère. Le vent l'emporte très vite. Leur chanson est dangereuse comme la voix des sirènes. Il ne faut point s'arrêter pour l'écouter. Il ne faut point se détourner de sa route pour elle. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas penser. Mes chers amis sénégalais, passons rapidement au milieu de ces mauvaises voisines, en fermant nos oreilles, pour ne point entendre leurs appels et leurs menaces. Et sur nos têtes, les miaulements de nos petits obus redoublent de nombre et de fréquence, et font pleuvoir sur le plateau un ouragan de fer. Au milieu de cet horrible vacarme, dans un ordre parfait, dans un magnifique élan, les dos bleus s'avancent. Trois rangs de fils de fer hérissent leur barbelure. De forts piquets métalliques, trois fois noués sur eux-mêmes, comme le corps d'un serpent, offrent à ces fils un appui et des anneaux d'attache. Ils courent de l'un à l'autre dans un enchevêtrement inextricable. Mais notre bombardement a taillé de larges brèches dans cette muraille de métal, dont les pans sont couchés, les piquets tordus, les fils coupés. Elle est sur plusieurs points écrasée, enfouie sous des monceaux de terre, émercée par les obus comme par le soc d'une charrue. Et dans la nuit, quelques hommes ont eu vite fait de compléter les passages par quelques coups de cisaille. Sur ces barrières enfouies et déchiquetées, dans un ordre admirable et dans un élan unanime, les dos bleus s'avancent. Plus loin, le sol est crevassé par les trous d'obus, les terre-pleins sont bouleversés, les parapets chavirés, les tranchées, les petits boyaux, où cheminaient encore les boches il y a une demi-heure à peine, sont souvent recouvertes et parfois méconnaissables. Et cette boue grisâtre, qui empâte les mains, alourdit les vêtements, salit les armes, remplit les sacs, colle aux pantalons, botte les jambes et fait une épaisse cuirasse à chaque chaussure. Cette horrible boue, dont on pensait se libérer comme d'un cauchemar en passant chez eux, on la retrouve ici toute pareille. Elle inonde les tranchées, envahit les boyaux, encombre les glacis et remplit tous les trous. Elle est contre nous, elle entrave les mouvements, fatigue la marche, et maintient sur les membres un froid et une humidité de tous les instants. N'importe, sans interrompre leurs trois lignes droites bien régulières, les dos bleus des tirailleurs s'avancent toujours. Ils ont franchi la crête du chemin de dames derrière le barrage protecteur de notre tir d'artillerie. Les chefs ont peine à contenir l'ardeur progressive de nos hommes. Mais ici un nouveau facteur intervient plus redoutable que toutes les difficultés jusque-là vaincues. L'ennemi déclenche un tir de barrage. L'artillerie et les mitrailleuses embusquées dans les creux de Daï et de Chermizy et dans les souterrains de la Bove ont été sorties de leur repère et la montagne qui nous fait face se hérisse peu à peu de longs tubes de bronze qui luisent au plein jour. Elle jette de tous côtés des éclairs et des tonnerres comme au mont Sinaï. Et devant nous, tout proche, dans le secteur voisin du nôtre, sur un éperon placé à l'est du village d'Aï, des mitrailleuses se démasquent qui attaquent de face nos vagues d'assaut. Alors, dans nos rangs se découpent des vides sinistres. Les chefs de section, les capitaines, les lieutenants qui apparaissent les premiers en tête de leurs hommes tombent aussi les premiers. Et près d'eux, des groupes entiers de ces braves Sénégalais s'affaissent doucement et ne se relèvent pas. L'on reçoit comme un fort coup de poing dans la poitrine. L'on ressent comme un coup de fouet très sec dans la cuisse ou dans le bras. Une impression à peine désagréable, comme une tape amicale un peu vivement appliquée, où l'on voit tout de suite un brouillard devant les yeux. Les oreilles se mettent à bourdonner. Une faiblesse subite vous prend tout entier, et bien vite, presque sans souffrir, l'on rend son âme. D'autres fois, c'est une marmite qui tombe sur la ligne et la disloque à cet endroit, écrasant et déchirant tout ce qui vit alentour. Quelques unités désemparées, privées de chef et de direction, se dispersent ou se perdent. Des groupes désunis s'égarent vers la droite ou vers la gauche du secteur. Les quelques officiers restés debout au 68e bataillon cherchent à maintenir et à orienter ces débris. Mais déjà, derrière eux, trois nouvelles vagues de tirailleurs, dont on ne voit que le dos tout bleu, dans un élan magnifique, s'avancent. Ils viennent remplacer ceux qui sont tombés. Ils se baissent tous pour laisser passer les balles qui chantent à leurs oreilles. Mais ils nourrissent de fiers sentiments, et leur poitrine abrite des cœurs vaillants. C'est le plus beau des bataillons, le 69e, commandé par le plus beau des officiers, le capitaine Lefranc. Grand, mince, taillé lancé, longs cheveux blonds, élégant dans sa mise et dans son allure, cavalier parfait, il ne lui manque ni l'intelligence, ni la parole, ni l'audace pour en faire le plus séduisant des paladins. Sa bravoure est légendaire. À la manche droite de sa tunique, 9 chevrons de blessures disent avec éloquence sa gloire passée. Des balles ont brisé ses jambes, percé son bras, broyé les os de son poignet. Des ennemis de l'arrière l'ont bafoué, des embusqués l'ont bousculé, des injustices l'ont meurtri. Mais il est toujours revenu là où l'on se bat, attiré par l'âpre odeur de la bataille, comme un papillon de nuit par la lumière. Sachant sa témérité et combien cette lutte allait être difficile, un de ses amis nous disait hier « Le capitaine Lefranc sera mouché. » Lui-même connaît que le terrain va nous être terriblement disputé. Il entend aussi les hurlements de tous ces canons qui devaient être anéantis. Et cependant il est debout, la tête haute, et son regard a l'air de mépriser toute cette camelotte boche. Il n'attend pas l'heure du départ pour bondir hors des tranchées à la tête du bataillon et s'élancer tout frémissant d'impatience et du désir violent de la lutte. À peine, hélas, a-t-il franchi la crête meurtrière que son corps se replie sur lui-même et se laisse aller en avant. Il tombe sur les mains comme si son pied avait buté contre une pierre. Mais son ventre est troué. Il devient terriblement pâle et la parole lui échappe. On l'emporte dans une ambulance. Il rend son dernier souffle. Et là-bas, bien loin, dans sa petite chambre, la jolie dame longue et blanche, qui pleurait le jour du départ à Marseille, fredonne peut-être à cette heure un chant joyeux, ignorant l'atroce malheur et que son bien-aimé n'est plus. Mais par-dessus le corps de leur capitaine, dans un ordre et un élan admirable, les tirailleurs en capote bleue s'avancent. D'autres sont tombés, et des plus braves. Un seul capitaine reste au bataillon, un tout jeune. Il prend le commandement et entraîne tous ses hommes jusqu'aux pentes septentrionales du plateau des Dames, devant le village d'Aï. Là, il faut s'arrêter, car les deux régiments qui doivent marcher parallèlement à nous à droite à gauche ne sont pas encore venus, et notre troupe se trouve prise entre trois feux. Des restes de tranchées ennemies et des trous d'obus nous offrent une sécurité relative. Ils sont utilisés par nos hommes. Il est 10 heures. Les dos bleus qui moutonnaient le plateau de leur forme arrondie et bien alignée ont cessé désormais de s'avancer. Ils disparaissent dans la terre, et l'on ne voit plus autour de soi que la teinte uniformément grise de la boue et les irrégularités du sol, gravées par les obus comme un visage par la vérole.